mais pas vu, et le Provana vous propose Confit de Culture, le podcast qui joint l'agréable à l'agréable. Aujourd'hui, nous recevons Catherine Sinicropi, une céramiste humaniste passionnée. Cathy Sinicropi, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous en quelques mots. Alors, je suis Catherine Sinicropi, céramiste depuis 10 ans. Je travaille en collaboration avec le chef Christian Sinicropi, mon mari, qui est chef exécutif de l'hôtel Martinez à Cannes. Je fais en exclusivité les supports céramiques du restaurant La Palme d'Or, qui a 2 étoiles au Michelin. Si vous deviez vous décrire en 3 mots, lesquels seraient-ils ? Ours mal léché. Définissez votre métier en 3 caractéristiques. Terre, rencontre, mandala. Les 3 mots qui définissent pour vous la culture. Enrichissement, intellect, humanité. Et maintenant, vos 3 artistes préférés. Alors, à part tous nos amis artistes, je dirais Basquiat en premier, Picasso, Bacon. Vos 3 livres préférés. Harry Potter, Ciao Bella et On ne tire pas sur l'oiseau moqueur. En cette période, quels seraient vos 3 remèdes à la mélancolie ? D'abord ma famille, mes amis et l'alcool. Merci à vous. Merci Océane.